Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le maréchal Rommel, le renard du désert. En janvier 42, Rommel va attaquer de nouveau. Il fonce, et cette fois c'est la grande campagne. C'est celle qui assurera la gloire éternelle de Rommel, parce qu'il prend Benghazi. Cette fois il prend Tobrouk, cette fois il prend Barga, il prend tout. Les Anglais refluent sans cesse. Le voilà à la frontière de l'Égypte, il franchit cette frontière, il est en Égypte, il prend Sidi Barani, il est là. Il a gagné et le monde entier parle de Rommel. C'est alors que Hitler le fait maréchal. Il est maintenant le maréchal Rommel. Extrait de l'émission Alain Decaux raconte du 7 février 1977. C'est en effet beaucoup lors de cette campagne d'Afrique du Nord que le général Rommel construit sa légende et se mérite même le surnom de renard du désert. Mais le destin de Rommel est étroitement lié à celui de l'Allemagne nazie. Et avec l'effondrement du Troisième Reich et les soupçons de participation au putsch raté contre le Führer qui pèse contre lui, Rommel est finalement contraint par Hitler à se suicider pour sauver son honneur et celui de sa famille. La légende de Rommel commence. Les Anglais diffusent sa photo avec la mention « Cet homme est dangereux ». Les questions qui seront posées à messieurs les jurés sont les suivantes. Première question. Bien que n'ayant pas appartenu au Parti National Socialiste, peut-on considérer le maréchal Rommel comme un maréchal nazi? Deuxième question. Au regard de l'histoire, le maréchal Rommel est-il coupable de ne pas avoir agi directement contre Hitler et de ce fait de ne pas avoir pu écourter la Deuxième Guerre mondiale? La Cour se retire pour délibérer. Extrait de la série Apocalypse, produite en 2009, suivi d'un extrait de l'émission L'Histoire en jugement, diffusée en 1979, pour nous présenter ce personnage central de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'a été Rommel. Je reçois Stéphane Roussel, spécialiste des questions militaires et géopolitiques et qui est professeur à l'École nationale d'administration publique. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour. Revenons tout de suite sur la légende. La légende autour du maréchal Rommel. Sur quoi repose cette légende, Stéphane Roussel? Essentiellement, la légende de Rommel repose sur deux grands fondements ou deux grands éléments de discours. Le premier, c'est ses succès sur le champ de bataille. Il va remporter des victoires dans des conditions extrêmement difficiles. Généralement, ses troupes sont en infériorité numérique. Il surprend ses adversaires constamment. Donc, il y a un capital, si vous voulez, comme général sur le champ de bataille. Mais l'autre élément qui est important aussi, c'est qu'on le considère comme étant le général allemand aux mains propres. Oui. C'est-à-dire que tous les généraux, tous ceux qui ont occupé des postes de responsabilité dans l'Allemagne nazie sont suspects à un degré ou à un autre d'avoir collaboré aux crimes commis par le régime nazi. Rommel s'en tire beaucoup mieux que ses collègues sur ce chapitre-là. Il n'y a pas de crimes de guerre qui peuvent lui être attribués. Tout au plus, on peut parler d'une forme d'aveuglement. Et surtout, en fait, la partie la plus discutable ici, ce sont ses relations avec Hitler. Oui. Mais il faut dire une chose, c'est que Rommel, contrairement à tous ses collègues qui vont servir, par exemple, en Russie, sert sur des champs de bataille où il n'est pas suivi par la Gestapo, par la SS, qui vont commettre les crimes, oui, de guerre en question. Donc, il échappe en partie par chance à ce destin-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est une vraie question. On l'entendait dans le petit extrait de l'émission L'Histoire en jugement, mais jusqu'à quel point il n'avait pas sa carte du Parti national socialiste. En même temps, il est très proche d'Hitler. Donc, général aux mains propres, oui, mais comment ça évolue l'historiographie là-dessus? Ce qu'on a retenu de lui après la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'abord dans un contexte où on a voulu réhabiliter l'armée allemande au moment où on fait face à la menace soviétique, où on est en pleine guerre froide et on a besoin des Allemands. On a besoin de cette figure, si vous voulez, qui représente l'armée allemande correcte, l'armée qui combat selon les lois de la guerre et non pas une armée barbare telle, oui, qu'on a vue. Et donc, dans les années 70-80, on a cette image très grandiose de Rommel que c'est surtout des historiens britanniques qui vont construire cette image-là. Avec le temps, avec l'ouverture des archives, avec la recherche, on va s'apercevoir qu'il faut nuancer certains de ces éléments-là. Et c'est à ma connaissance, il n'y a pas de preuve que Rommel était membre du parti nazi. Il ne s'est jamais appuyé là-dessus pour faire évoluer sa carrière. Il a toujours servi comme un soldat. C'est-à-dire même s'il servait... était très proche d'Hitler. Il était très proche d'Hitler personnellement. Il a rencontré Hitler dès 1935. Il va jouer un rôle de garde du corps. Il n'est pas un SS, mais il va, un garde du corps militaire. Il va commander les troupes de la garde et il va très rapidement devenir un des généraux favoris de Hitler. Ouais. Donc, général aux mains propres, dans le sens où c'est un militaire avant d'être, et il y en avait dans ce parti nazi, dans cette administration nazie, avant d'être un idéologue. Oui, tout à fait. Ouais. Il n'est pas antisémite, il ne semble pas partager la grande idéologie des nazis, mais il y a quelque chose qu'il apprécie, ouais. C'est que le régime nazi va réarmer l'Allemagne, il va donc favoriser l'armée allemande. Oui. Autre petit point que vous avez soulevé qui est intéressant, puis parlons-en 30 secondes. L'apport qu'ont eu les Britanniques à la gloire et à la légende de Rommel, parce que ce grand guerrier, disons ça comme ça, c'est effectivement, on entendait l'extrait dans la série Apocalypse, cet homme est dangereux. En fait, c'est pas un hasard que ce soit les Britanniques qui construisent sa légende, parce que c'est beaucoup les Britanniques qui ont goûté à sa médecine, pour utiliser l'anglicisme. Oui, il y a quelques raisons qui pourraient expliquer l'intérêt des Britanniques pour Rommel. D'abord, si Rommel leur a administré quelques corrections sur le champ de bataille, on doit lui prêter quand même un certain nombre de qualités, donc de reconnaître ses qualités. Mais aussi pour les Britanniques, leur contribution à la Deuxième Guerre mondiale a été un peu marginalisée par celle des Américains et des Soviétiques, naturellement, et leur une de leurs contributions importantes, c'est la guerre en Afrique du Nord, mais qui est un théâtre d'opération secondaire. Et les historiens britanniques vont mousser, si vous voulez, cette partie-là de la guerre. N'oublions pas cette campagne. Exactement, se mettre en valeur, tout à fait. Bon, alors revenons aux exploits de Rommel comme tel. On va parler de la guerre en Afrique du Nord dans quelques minutes, mais ça commence déjà à la Première Guerre mondiale, ses exploits. Il est à ce moment-là capitaine, Rommel. Et ce qu'il fait durant cette Première Guerre mondiale, c'est intéressant, Stéphane Houssel, parce que ça nous en dit beaucoup sur le bonhomme, sur le style de militaire qu'il est. Oui. Dès la Première Guerre mondiale, on va voir s'afficher les caractéristiques de son commandement. D'abord, c'est quelqu'un, ce qui est normal à l'époque parce que c'est un officier subalterne, mais il commande de l'avant. C'est-à-dire qu'il est avec ses troupes, il ne reste pas en arrière à donner des ordres et il veut aller sur le champ de bataille pour voir ce qui se passe. Deuxième trait intéressant, c'est que c'est quelqu'un de très audacieux, on pourrait dire même impulsif. Offensif. Toujours orienté vers la surprise, toujours orienté vers l'offensive, même lorsque ses troupes sont en infériorité numérique, et on le voit dès la Première Guerre mondiale lorsqu'il commande un peloton ou une compagnie, même s'il est en infériorité numérique, il attaque parce qu'il croit en la surprise et il dit « le premier des deux qui ouvre le feu a l'avantage ». Donc, même si on est à 3-1, ça vaut la peine d'attaquer. Ça, on va voir ça tout le long de sa carrière. Il privilégie aussi le mouvement. Il faut se déplacer, essayer de contourner les positions de force ennemie, les isoler, donc de les attaquer de cette manière-là. Au dernier point peut-être de la personnalité de Rommel qu'on va souligner parce que ça va jouer un rôle aussi important, c'est quelqu'un qui a une soif de reconnaissance absolue. Il veut absolument que ses succès sur le champ de bataille soient connus et que le mérite lui en soit attribué. Donc, il devient quelqu'un qui fait beaucoup son autopromotion. Ouais. Et il se fait comme ça. C'est un autre élément qui va aider à construire sa légende, c'est qu'il la pousse lui-même. Ouais. Et ça va marcher. Ça va marcher en Allemagne comme tel, parce qu'évidemment, les Allemands vont perdre cette Première Guerre mondiale, mais Rommel est un des militaires qui s'est distingué quand même durant ce premier conflit mondial. Et ça va le servir dans l'entre-deux-guerres et ça va déjà placer Rommel dans une position favorable quand la Seconde Guerre mondiale va commencer. Parlons-en de cette Seconde Guerre mondiale. Avant la campagne de l'Afrique du Nord, il y a la campagne de France. Rommel est un joueur clé dans cette campagne-là, puis on s'en souvient, cette fulgurance, cette rapidité avec laquelle les troupes allemandes prennent la Belgique et la France. Oui. Rommel demande et obtient le commandement d'une division blindée. Il demande directement à Hitler et il l'obtient. Il va prendre le commandement de la 7e division de Panzer, ou la 7e division blindée, et c'est avec elle qu'il va faire la campagne de France. Et cette division-là va être toujours l'une des plus en avant. Elle va percer les défenses françaises, elle va le franchir la Meuse, et elle va se déployer très rapidement derrière les arrières des Français. Au point où elle va acquérir un surnom, on l'appelle la division fantôme. Un peu parce que comme un spectre, elle semble traverser les défenses, traverser traverser les murs et elle se matérialise dans le dos de l'adversaire, surgit de nulle part. Donc, à la tête de cette division, Rommel va être un des artisans de la victoire allemande en mai-juin 1940. Donc, il se distingue déjà dans cette campagne de France. Et puis arrive donc ce qui va faire sa gloire. On revient à ce qu'Alain Decaux disait au tout début de l'émission, la campagne en Afrique du Nord. Cette campagne que dirige Rommel à la tête du légendaire Afrika Korps. L'Afrika Korps était le symbole de tout ce que la machine de guerre allemande avait produit de meilleur. Dans sa brève histoire, seulement 2 ans et 3 mois, l'Afrika Korps entraîna les forces alliées dans une massive guerre d'usure et gagna pour elle-même une réputation enviable dans les annales de l'histoire militaire. Grâce à une série de plans de bataille brillamment exécutés, son célèbre chef, le maréchal Erwin Rommel, mérita le surnom de « Renard du désert ». Il était respecté autant par ses hommes que par ses adversaires. Je pense que la réputation de Rommel était celle du bon allemand, du leader chevaleresque des guerres du désert, le renard du désert, comme on l'appelait. Et en un sens, on a forcé le trait sur cette image. Indubitablement, c'était un très bon chef et un très bon meneur de char en particulier, qui devint une sorte de héros. Extrait du documentaire Afrika Korps, une unité légendaire réalisé par John Viner. Vous y entendiez à la toute fin de l'extrait l'historien militaire Matthew Bennett. Décrivez-nous cette campagne-là, Stéphane Roussel, en quoi cette campagne est si spectaculaire et quelle importance elle aura dans la construction de ce mythe entourant Rommel. Rappelons tout d'abord que c'est un théâtre d'opérations secondaires, je le disais tantôt. L'Afrika Korps, dont on parle dans cet extrait, les troupes allemandes qui vont être déployées en Afrique du Nord, c'est tout petit. C'est 3-4 divisions. Une division, c'est de 15 à 20 000 soldats. C'est rien quand on compare aux 150 divisions qui sont déployées en Union soviétique en juin 1941. Donc, c'est vraiment secondaire comme théâtre d'opération. Et Rommel est envoyé en Afrique du Nord pour aider les Italiens qui ont tenté d'envahir l'Égypte et ça se retourne contre eux. Ils sont en pleine débâcle. Hitler envoie Rommel et d'abord 2 divisions pour tenter de stabiliser la situation. Et dans le fond, Rommel n'a qu'une mission défensive. Ce que lui-même refuse complètement. Il refuse de comprendre cet ordre-là. Dès son arrivée en Afrique, il va lancer des contre-offensives contre les Britanniques qui sont complètement surpris. Il va les repousser jusqu'à la frontière égyptienne. À son tour, il va être repoussé une première fois. Il y a donc 2 mouvements de va-et-vient qui se font comme ça à travers le désert. Mais à chaque fois, Rommel inflige des pertes énormes. Il donne des coups de griffe à ses adversaires, aux Britanniques, qui constitue sa légende. En fait, pendant les 2 ans que dure la campagne d'Afrique du Nord, même si ça se termine finalement par une défaite allemande, c'est ponctué de victoires spectaculaires et inattendues. Et c'est ça vraiment qui est extraordinaire. Oui. C'est qu'au fond, c'est une défaite, cette affaire-là, mais quand même, le style de l'homme, son insubordination, c'est une mission défensive, mais lui, non, veut prendre l'adversaire par surprise et gagner du terrain. Donc, il finit par perdre la campagne d'Afrique, mais c'est ce qui fait sa gloire quand même. Oui, et curieux, en fait, les raisons qui expliquent la défaite ultime, non seulement de Rommel, mais de l'Allemagne, en fait, c'est que d'abord, il y a une supériorité numérique écrasante des Britanniques et plus tard des Américains auxquels il ne peut pas résister. Mais il y a aussi une supériorité dans le renseignement. C'est-à-dire que les Britanniques sont capables de décoder les transmissions des Allemands. Et à quelques reprises, ça va se retourner contre eux parce que Rommel, qui refuse de suivre les ordres ou qui décide de faire autre chose que ce qu'on lui dit, surprend ses adversaires qui ne s'attendent pas à le voir jouer de cette manière-là. Donc, il quitte l'Afrique pour retourner donc en Europe et arrive ce fameux, parce qu'il va aussi être de cette aventure-là, Rommel, arrive ce fameux débarquement des forces alliées en juin 1944. Et à ce moment-là, évidemment, je le disais au début, le sort de cet homme-là, il est intimement lié au sort du Troisième Reich. Avec ce débarquement, tout bascule pour l'Allemagne nazie et pour Rommel. Sur les routes avoisinant le camp où nous nous trouvions cantonnés depuis quelques jours, les véhicules militaires défilaient par milliers. Nous savions tous ce qui était dans l'air, que cette fois, il ne s'agissait pas d'une fausse alerte, mais de l'opération gigantesque préparée depuis des mois, avec un soin minutieux, avec un souci sans égal de tous les détails. Par groupe, par peloton ou par compagnie, les troupes s'acheminaient vers les ports d'embarquement. L'activité était fantastique, presque sans précédent. Pourtant, la veille au soir, un citoyen d'une région de la côte n'avait-il pas dit à un officier de mes amis « une fois de plus, ce ne serait pas le second front, mais un autre exercice. C'est assez drôle aujourd'hui de repasser les événements de cette dernière semaine. Nous ne sommes en France que depuis 5 jours, mais on dirait surtout pour les Canadiens de langue française que nous y avons toujours été. Dans mes câbles, depuis le début des hostilités, je me suis efforcé de vous donner une idée de ce qui s'est passé. Je vous ai parlé du débarquement de la dernière nuit des troupes à bord des centaines de navires qui les ont transportés jusqu'au large des côtes de France. Les uns étaient à bord de vaisseaux confortables, les autres à bord d'embarcations plus rudimentaires mais solides. Extrait d'une correspondance de guerre de Marcel Ouimet le 13 juin 1944, quelques jours seulement après ce fameux débarquement de Normandie. Rommel est l'un des généraux responsables de résister à ces attaques des forces alliées dans le nord de la France au printemps 1944. Stéphane Roussel, parlez-nous de cet épisode du débarquement. C'est intéressant pour ce qui est de Rommel et de ce qui va suivre pour lui. Forte opposition stratégique à ce moment-là entre Rommel et Hitler. Oui, parce qu'après la défaite en Afrique du Nord, en fait, Rommel va dans sa carrière subir deux grandes défaites majeures. La première à l'Allemagne en Afrique du Nord en novembre 1942. La seconde, c'est en Normandie en 1944. Donc, en janvier 1944... Et de fait, comment ils se retrouvent en Normandie? C'est une bataille... On les attend, ces forces alliées. Le débarquement, on sait qu'il viendra un jour. Il vient de subir quand même, après avoir été l'homme de la gloire et des grands exploits en Afrique du Nord, il subit quand même une défaite en Afrique du Nord. Qu'est-ce qui fait qu'Hitler décide quand même de lui confier une tâche aussi importante que d'être un des généraux qui résiste à ce débarquement à venir des Alliés? Oui, parce que malgré une courte période de disgrâce quand Rommel rentre en Allemagne en mars 1943. Pendant quelques semaines, il est laissé sur la touche. Mais sa réputation est tellement grande. La propagande allemande en a fait quelqu'un de plus grand que nature. Et on se dit, le seul fait de placer Rommel dans la région où on attend le débarquement va constituer un atout psychologique important, à la fois pour les Allemands et contre les Alliés. Et oui, ça a fonctionné là-dessus. C'est-à-dire que l'arrivée de Rommel en tant que commandant du groupe d'armée B, donc les deux armées allemandes qui attendent le débarquement, va remonter le moral des troupes allemandes et Rommel va entreprendre un programme très ambitieux de défense des plages dans le nord de la France qui vont avoir un impact, des défenses qui vont avoir un impact le jour du débarquement. Mais quand même, on voit il est déjà dans une pente descendante dans la mesure où il n'arrive pas à imposer sa stratégie. Ce que Rommel veut, son objectif, c'est de détruire les Alliés alors qu'ils ont encore les pieds dans l'eau. Il faut détruire les forces alliées avant qu'elles ne prennent position sur terre. Alors que les autres généraux allemands, Hitler, décident plutôt de dire non, laissons-les débarquer et une fois qu'ils seront là, on va concentrer toutes nos forces pour les écraser d'une manière définitive. Et finalement, ce sont les autres qui l'emportent. Rommel est marginalisé dès ce moment-là. Et il ne parvient pas à s'opposer au débarquement, comme il l'avait lui-même prévu. Si on ne les bat pas sur les plages, on est fini. Il en était convaincu de ça. S'il pose le pied sur le sol français, c'est fini. Oui, s'il s'accroche, on s'est perdu. Ouais. Et il le voit, il va quand même réussir à tenir tout jusqu'à la fin de son commandement le 17 juillet 1944. Les Allemands, et ça c'est vraiment étonnant de voir ça, les Allemands parviennent à maintenir un cordon de troupes qui retient les Alliés. Pour les Alliés, c'est une surprise que la campagne de Normandie soit aussi longue, qu'on ne parvienne pas à percer les défenses allemandes. Et ça, c'est en partie à cause de Rommel. Et donc, cette divergence de stratégie et le fait aussi que Rommel, voyant la situation, écrit à Hitler et dit à Hitler, écoutez, c'est perdu, il faut en tirer les conséquences politiques. Et pour lui, ce que ça veut dire, c'est faisons la paix avec les Alliés occidentaux, les Britanniques et les Américains, et retournons-nous contre les Soviétiques. Ce que Hitler ne peut pas entendre. Et ça, c'est un point tournant vraiment majeur, parce que jusqu'à ce moment-là, puis ça va conduire à la perte ultimement de Rommel, on y revient dans un instant, mais jusqu'à ce moment-là, ils sont très proches. Qu'est-ce qui fait que ces deux hommes-là sont si proches? On jalouse dans les hauts rangs nazis, on jalouse Rommel. Oui, donc, je le disais un peu plus tôt, Hitler et Rommel se rencontrent dès 1934. Rommel va agir à titre de chef de la garde militaire de Hitler, surtout lors des opérations à l'extérieur des frontières de l'Allemagne. Toujours, j'insiste, Rommel n'est pas dans les SS, c'est vraiment toujours un militaire. Et au fur et à mesure que ces occasions se présentent, il y a une relation qui se tisse entre les deux. Hitler admire Rommel parce que d'abord, ce n'est pas un officier de la noblesse. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de ce qu'on appelle du grand état-major. C'est un officier qui est monté grade par grade pour atteindre celui qu'il a à ce moment-là. Et donc, il y a une confiance. Ce n'est pas... Hitler se méfie des généraux de la vieille école, ce que n'est pas Rommel. Ouais. Et Rommel, avec les succès qu'il emporte au début de la guerre en Afrique du Nord, va mériter cette confiance de Hitler. Ouais. Mais donc, cette divergence qui est vraiment très profonde sur le débarquement de 1944, cette idée qu'a Rommel de dire, écoutez, avant qu'il débarque, faisons la paix avec... Réglons ce front-là et concentrons-nous sur le front soviétique. Ça, c'est une divergence vraiment profonde. Et ça va faire que... Il n'est pas le seul, Rommel, à penser que les carottes commencent à être cuites pour les Allemands du côté de la Manche. Il y aura des scénarios, des tensions, des scénarios de putsch. Il y a un putsch, en fait, c'est plus qu'un scénario. Putsch raté contre Hitler le 20 juillet 1944. Et le bruit va courir que Rommel, puisqu'il s'opposait à la stratégie d'Hitler, puisqu'il voulait une paix avec les alliés du côté de l'Angleterre et de la France, le bruit va courir qu'il fait partie de cette machination contre Hitler. Dans les faits, qu'est-ce qu'on sait? Et puis ça va mener à son suicide forcé. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Vous touchez à un autre élément important de la légende de Rommel. C'est-à-dire qu'on a voulu faire croire, ou en fait on a laissé justement courir ce bruit-là, après la guerre, que Rommel avait été mêlé au complot contre Hitler, au complot qui va aboutir à l'attentat raté du 20 juillet 1944. Et donc les conjurés, notamment ceux qui vont être arrêtés après l'attentat, vont mentionner le nom de Rommel lors des interrogatoires par la Gestapo. Et les survivants des conjurés vont, après la guerre, dire que Rommel était avec eux. Or, il n'y a rien qui prouve ça. Rommel a été approché, effectivement, par les conjurés. Il leur a manifesté une certaine sympathie, mais il ne s'est jamais engagé au-delà Enfin, ce que l'on sait dans l'historiographie aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que Rommel s'est engagé. Au contraire, même, le soldat, lui, a toujours répugné à cette idée donc de commettre un meurtre politique et de se mêler de politique. Donc, il y avait plein de réserves. Mais le seul fait que son nom soit mentionné par les conjurés et couplé au fait qu'il s'oppose à Hitler sur la direction générale de la guerre à partir de l'été 1944, ces deux éléments-là sont suffisants pour expliquer la fin du maréchal Rommel. Hitler lui dit « Tu n'as pas le choix, en fait ». Oui, Hitler envoie deux généraux qui leur disent « Écoutez, vous avez le choix entre soit avoir un procès pour participation au complot, ce qui est une infamie publique, et la famille de Rommel en aurait pâti, soit vous prenez du poison et vous mourrez plus discrètement, on vous donne des funérailles nationales. » C'est le choix que Rommel va faire. Il est, dans le fond, forcé au suicide en octobre 1944. Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Merci, Stéphane. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.